Amis auditrices, amis auditeurs, vous êtes bien sur RGM, 107 MHz, François, calendrier des esclavages et des libérations, que je vous invite à feuilleter avec moi. Le 29 juillet 1830, en France, Thiers, monsieur Thiers, vous savez, celui de, qui a, c'est peut-être l'homme politique qui a le plus de rues à son nom en France, hein? Ah oui, on voit qui a gouverné pendant toutes ces années-là. Thiers escamote la révolution. Il fait afficher un placard qui promet une charte et qui préconise l'appel à Louis-Philippe en remplacement de Charles X. Appel à Louis-Philippe en remplacement de Charles X. Ben voyons. Ah, hey, et ils ont eu tiré à Remiremont. Ça vous étonne? Pas moi. La victoire populaire est sur le point d'être récupérée. Le règne de la bourgeoisie industrielle commence. 1869, France, à Lyon, la grève des ovalistes s'achève. Elles ont obtenu formellement 2 heures de travail en moins, mais pas d'augmentation de salaire. La commission ovaliste devient la première section féminine de l'Internationale. Alors Internationale avec un I majuscule, bien entendu. Karl Marx propose qu'un mandat syndical soit donné à Philomène Rosa pour participer au congrès de l'Internationale à Bâle. Elle ne s'y rendra pas, elle entrera dans la légende, voire la grève des ovalistes après le 11 juillet. 1881, France, le Parlement adopte la grande loi sur la liberté de presse. C'est une véritable charte du journalisme. L'aboutissement de la longue lutte menée pendant tout le XIXe siècle contre un pouvoir jugulant l'information. Vous imaginez qu'il y avait autrefois un pouvoir qui jugulait l'information? Mais c'est pas vrai des choses pareilles, c'est pas possible, hein? Un pouvoir jugulant l'information. Ah ben peut-être que pendant la guerre de 14, puis pendant la guerre de 39-45, ah oui, ben là oui, bien sûr, et puis un peu pendant la guerre d'Algérie, puis bon, oui. Voilà, ouais, pouvoir jugular l'information. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on verrait des choses pareilles. Hein. Oh, ben non. Macron, pouvoir jugular l'information. Alors, soyons raisonnables. 1890, France, une explosion dans la mine de Villebeuf fait 116 morts et 91 blessés. Ce n'est qu'une date dans une longue série d'accidents causés par une exploitation au mépris de la loi. Entre 1885 et 1887, sur 474 mineurs, pardon, voyez, il y a des petites taches sur le machin, il y a 474 morts et 48 802 blessés. 474 morts, 48 802 blessés. Quelle honte. 1914, France. Un manifeste de la CGT déclare « Les gouvernements ont le peuple français avec eux, si, comme on le dit, ils travaillent sincèrement pour la paix. » La bataille syndicaliste rapporte les paroles du ministre de la Guerre au Conseil des ministres du 29 juillet. « Laissez-moi la guillotine, je vous garantis la victoire, que ces gens-là, les militants ouvriers, ne s'imaginent pas qu'ils seront simplement enfermés en prison. Il faut qu'ils sachent que nous enverrons au feu. S'ils ne marchent pas bien, eh bien, ils recevront des balles par devant et par derrière. Après quoi, nous en serons débarrassés. » Rendez compte? 1914. Eh oui. 1914. Il y a des paroles, rien que les paroles déjà, sont hautement criminelles. Hautement. 1914, le bureau de la Deuxième Internationale appelle tous les prolétaires à intensifier leurs manifestations contre la guerre. 1916, Allemagne, Rosa Luxembourg est une nouvelle fois arrêtée. Accusée de crime de haute trahison, elle sera transférée de prison en prison. Sa haute trahison, ça consistait à demander la paix. Voilà, hein. Jaurès demandait la paix et Rosa Luxembourg demandait la paix également, chacun de son côté. Si on les avait écoutés, on économisait 8 millions de morts. Mais voilà, on ne les a pas écoutés. 1970, Espagne. Grève dans le métro de Madrid. Les ouvriers demandent une journée suivie de 7 heures. La pension à 60 ans ainsi que l'égalité des salaires pour les hommes et les femmes. La grève dure 22 heures. Un conseil des ministres convoqué d'urgence décrète la mobilisation militaire des grévistes. Ouais. Bon, pas de qualificatif, hein ? Ben non. Choisissez celui que vous, qui vous convient. 1980, Pologne. Dans plusieurs villes, mouvement revendicatif important. Suite aux fortes augmentations du prix de la viande, de 50 à 100%. 1983, il y a aujourd'hui plus d'esclaves dans le monde qu'au moment de l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne en 1833. Le rapport de la société anti-esclavagiste de Londres, repris par le Matin de Paris de ce jour, constate que près de 100 millions d'hommes vivent encore aujourd'hui dans des conditions d'affermissement, d'asservissement. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Il s'agit de le transformer. Signé Karl Marx. Le 30 juillet 1830, en France, le National écrit à propos des Trois Glorieuses, deux points ouvrant les guillemets, « C'est le peuple qui a tout fait depuis trois jours. Il a été puissant et sublime. C'est lui qui a vaincu. C'est pour lui que devraient être tous les résultats de la lutte. » Malheureusement, c'est l'inverse qui se produira. 1831, Grande-Bretagne. Le défenseur du peuple, du pauvre, journal de l'Union nationale des classes ouvrières et autres, écrit « Rappelez-vous de ce que vous ne jouissiez que d'une fraction bien exiguë de ce que vous produisez en fait. Vous ne jouissez que d'une fraction bien exiguë de ce que vous produisez en fait. » Honte aux responsables. 1903, Russie, à Londres. Se tient le deuxième congrès du Parti ouvrier socialiste démocratique de Russie, le POSDR. 43 délégués représentent 26 organisations. L'objectif maximum fixé est la révolution socialiste. L'objectif minimum, la révolution démocratique. Maximum, révolution socialiste. Minimum, révolution démocratique. Bah, c'est toujours d'actualité, peut-être. Hein ? En Russie ? Puis en France aussi, pas en France. Peut-être quand même. Ah oui, peut-être. 1911, Égypte. Au Caire, une nouvelle grève des tramways entraîne la totalité des dépôts. Violence policière et négociations vont de pair. La population se solidarise avec les traminots, ainsi que les gaziers et les électriciens. Fêtes populaires et collectes sont organisées dans les quartiers. Le travail reprendra après un demi-succès. Après un demi-succès. 1920, Russie, à Moscou. Première conférence internationale des femmes communistes organisée par le secrétariat féminin international rattaché à la Troisième Internationale. 1936, Espagne. Début des interventions italiennes et allemandes dans la guerre d'Espagne pour soutenir les généraux fascistes insurgés. Soutenir les généraux fascistes insurgés. Tiens, tiens, quelle idée, quelle idée. Bah oui, les Italiens, les Allemands soutenaient les fascistes. 1946, Corée du Sud, une loi accorde l'égalité aux femmes. 1979, Pologne, grève du lait des paysans de la région de Lublin. Ils exigent le retrait des agents secrets, l'annulation des ordres de paiement et la révocation des huissiers. Il se constitue un comité provisoire d'autodéfense paysanne. 1981, Pologne. Marche de la faim de 30 000 femmes à Lodz, avec des casseroles vides. 1982, France. Promulgation de la loi sur la communication audiovisuelle. Le monopole de programmation est supprimé. Une haute autorité est créée. Elle doit garantir l'indépendance du service public, de la radio et de la télévision. Oh, vous avez entendu ça? Elle doit garantir l'indépendance du service public, de la radio et de la télévision. Ah oui! Alors les gens, ils voteront plus pour Macron alors. Hein? C'est en 1982. Ça n'a pas dû faire tout à fait suffisamment d'effet. 1982, Brésil. Mario Jurana, premier indien élu en 1982, apportant son témoignage à la sous-commission des droits de l'homme de l'ONU, critique la prospection pétrolière faite en Amazonie par la société Elf Aquitaine, qui non seulement a envahi le territoire indigène en recherchant du pétrole, mais a provoqué des dommages incalculables en défrichant la forêt, en tuant le gibier et en laissant sur tout le territoire des bateaux de dynamite non explosés, ce qui met en danger, la vie des Indiens. Le 31 juillet 1848 en France, Proudhon monte à la tribune de l'Assemblée et au milieu de furieuses clameurs soutient une proposition de suspension de paiement et de réduction des loyers. Il demande un crédit gratuit, la création d'une banque d'échange dont les fonds auraient été constitués par l'argent récupéré grâce à une réduction d'un tiers du fermage, des loyers et des intérêts des capitaux. Sa proposition recueille deux voix, la sienne et celle de Guépeau. 1850, France. Parution du dernier numéro de L'Atelier. La disparition de ce journal ouvrier est la conséquence du régime de plus en plus dictatorial du futur Napoléon III. Le journal résume ainsi la manière dont il concevait sa mission, se faire auprès des pouvoirs publics et devant l'opinion, l'expression la plus sérieuse et la plus vraie des besoins et des sentiments de la classe laborieuse. Développer chez les ouvriers le sentiment de leur valeur comme producteurs et de leur dignité comme citoyens. Leur apprendre à avoir plus confiance à leurs propres forces, pousser sans cesse les travailleurs à la conquête successive de leur instrument de travail par l'association libre et volontaire, en toute chose, faire prédominer l'intérêt moral sur l'intérêt matériel. Dieu nous a-t-il livré à eux, aux maîtres, comme un vil métal, afin qu'ils battent monnaie de notre chair et de notre sang? Point d'interrogation. 1850, Norvège. Convention nationale des associations tranistes, du nom de Tran, fondateur de la première association ouvrière de ce pays. Les 130 délégués déclarent que le droit de propriété doit être restreint autant que la nécessité du temps l'exige et conformément à la religion. 1877, USA. Le gouvernement arrête les meneurs de la grève des cheminots. Il convoque 10 000 miliciens et brise le mouvement par des affrontements qui font 30 morts. Déjà, les USA, vous voyez. 1892, Italie. Naissance de l'hebdomadaire Lotta di Classe. 1914, France, à 21h40, au Café du Croissant, rue Montmartre, à Paris, Raoul Villain, lecteur des feuilles nationalistes, tue Jean Jaurès d'un coup de revolver. Le mouvement ouvrier français est privé d'un de ses plus grands dirigeants. Personne ne se lève pour protester. Et personne ne se lève non plus pour protester contre la guerre qui arrive et qui va faire, je l'ai dit tout à l'heure, 8 millions de morts. Bon, voilà. Les imbéciles s'écrasent. Toujours, les imbéciles s'écrasent. C'est comme ça depuis très longtemps. Le 31 juillet encore, en 1915 cette fois, Arméniens, Turquie. Il n'y a plus d'Arméniens dans la province orientale de Turquie. Quelques mois plus tôt, ils étaient 1 200 000. Suite au massacre décidé par le gouvernement turc, 300 000 ont réussi à se réfugier en Russie. 100 000 sont encore en route, les autres sont morts. On peut être fier de faire partie de l'espèce humaine. Hein. Ah, il y a des moments, oui, on peut être fier. Oh là là là. Pas possible. 1920, Espagne. La grève des mineurs du Rio Tinto se généralise. 1925, Grande-Bretagne. Grève des mineurs. Ils réclament un salaire minimum, garanti et la réduction de la journée de travail. Le gouvernement conservateur réussit à faire suspendre la grève pendant 9 mois, moyennant une indemnité et une enquête sur la condition des ouvriers. Il profitera de ce temps pour organiser des groupes d'intervention destinés à remplacer les futurs grévistes. 1955, Chine. Mao Tse-tung donne des directives pour accélérer au maximum la collectivisation agraire. 1959, Inde. Le premier gouvernement communiste du Kerala, 1957-1959, est dissous. 1967, Cuba. L'organisation latino-américaine de solidarité se réunit. 1981, Pologne. Jaruzelski, négociateur des accords de Gdańsk, quitte le gouvernement où entre trois généraux d'actifs aux côtés du général Jaruzelski. Ah non, c'était Jagielski. Aux côtés du général Jaruzelski. Bon. 1984, Bolivie. Le gouvernement lance une opération militaire dans la région de Chaparré, déclarée zone d'urgence, pour y démanteler le plus important réseau de cocaïne du pays. 1984, Iran. Fin juillet, la Fédération internationale des droits de l'homme s'élève contre la persécution de Bayas en Iran. Le baïsme est une foi non violente et modernisante née en Perse au siècle dernier. Ah bah oui, si c'est modernisant, alors là, une religion qui est modernisante, alors non, ça ne peut pas aller. La religion, c'est pas fait pour être moderne. Ah bah sûrement pas. La véritable instruction, c'est celle qui dépayse, disait André Gide. La véritable instruction, c'est celle qui dépayse. Bah tiens, pourquoi pas. Finché in ciel brilla una stella e la luna splenderà, il più bel con la la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Finché, finché, finché, finché, finché, finché, mamma mia, si salterà. Finché, finché, finché, finché, finché, finché, mamma mia, si salterà. Gira, ogni coppia cerco va, già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerco va, già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Que diriez-vous d'une petite revue de presse comme ça, sur le pouce, hein, un peu vite comme d'habitude, juste les titres et puis, bon. Rue sur Moselle, le baroud d'honneur des CIMAX. Après la délocalisation du secteur Pointe en Pologne, le groupe Stanley transfère son pôle Agraff de rue vers l'Italie. Hier, les négociations sur le licenciement des 62 derniers salariés n'ont pas abouti. Alors c'était le 7 janvier 1998. 7 janvier 1998. Vous voyez, c'était déjà bien lancé, la fabrication des chômeurs. Ils nous ont fabriqué depuis 6 millions de chômeurs. Parce que des économistes avaient calculé qu'avec un minimum de 8% de chômeurs, eh bien les salaires ne bougeraient plus, les conditions de travail non plus. Hein ? Ah ben oui, les gens se tasseraient pour essayer de garder leur boulot, pour ne pas en faire comme le voisin qui entre dans le royaume de la misère. Ben voilà, on est gouverné par des gens bien, hein ? Oui, ah ben tiens, et Louis XVI n'avait pas fait plus, hein ? Rappelons-nous. Louis XVI, au moins, il s'intéressait à la géographie, à la mécanique, à la serrurerie, à l'astronomie, je crois bien aussi. Hein, voilà. Et bon, il n'avait pas fait pire que ce que ces gens-là ont fait, font et continuent à faire, puisqu'on continue à voter pour eux. Retrouvez tous les mardis une saga industrielle dans nos régions. Aujourd'hui, l'usine textile Rodiaceta, fermée en 1981, actuellement en cours de démolition. Besançon, quand la Rodia s'éteint. Ah oui, Rodia s'éteint, jeu de mots facile pour le journaliste du mardi 17 juillet 2018, SL. Oui, Rodia s'éteint, Rodia s'éteint. Voilà, oh, c'est bon. Oh, qu'ils sont bons. Oh oui, ils sont forts. Ils sont forts. Il faudrait qu'on leur fasse goûter aussi au chômage et à tout ce qui s'ensuit. Date clé, 1892, Hilaire de Chardonnay invente la soie artificielle, la viscose, et lance sa production sur les rives du Doubs à Besançon. 1955, Rhône Poulenc prend les rênes de l'usine Chardonnay en perte de vitesse. 1967, Chris Marker filme les ouvriers de la Rodia en grève. À bientôt, j'espère, et diffusé l'année suivante à la télévision. 1981, la Rodia CETA cesse son activité. 2011, ouverture à proximité de la friche de la Rodia d'une salle des musiques actuelles dont le nom rend hommage à l'ancienne usine. 2016, début de la déconstruction et des travaux de désamiantage. 2017, publication du livre « La Rodia, mémoire des murs, des hommes, du travail ». Voilà, ben, si on continue à voter pour des gens qui nous tyrannisent ensuite, voilà. Après, il ne faut pas venir se plaindre. Hein. Bon, il y a toujours moyen de faire autrement. Et si on donne à choisir entre la peste et le choléra, il faut chercher une troisième solution. Et en cherchant un tout petit peu, on la trouve, là. La troisième solution. Environnement, nucléaire. La France compte 1,54 million de mètres cubes de déchets radioactifs. 1,54 million de déchets radioactifs. Voilà, la France. Ah, on peut être fier d'être français et d'avoir voté comme on a voté depuis 50 ans. Hein ? 67 millions d'euros pour rénover à Rambervillers l'usine de traitement. C'est la société Suez qui a remporté le marché de rénovation de l'usine d'incinération de Rambervillers. 67 millions d'euros vont être investis pour moderniser le site et créer un réseau de chaleur. Le prix que va payer Evodia pour incinérer ses déchets passera de 12 euros la tonne à 3,6 euros. Cela représente près de 2,5 millions d'euros d'économies annuelles pour le contribuable. C'est signé Benoît Jourdain, président d'Evodia. Donc on se souviendra de Benoît Jourdain, 31 juillet 2018. La remplaçante en camping, Lorraine Santé, le docteur Hélène Verdon. La docteur, on peut peut-être dire, hein, bah oui, Hélène Verdon, originaire de Vendée, effectue un tour de France des remplacements pendant un an et demi. Elle fait étape à la maison médicale de Saint-Michel-sur-Meurthe, dans les Vosges. Alors comme ça, elle aura une idée générale de l'état général de la population française. Hein. Elle va peut-être faire un rapport qui ne sera pas piqué des hannetons après ça. Hein. Macron prépare la rentrée avec les partenaires sociaux. Le président de la République s'est entretenu avec 8 leaders syndicaux et patronaux hier à l'Élysée pour réinstaller un dialogue après une année de réforme sociale menée en solitaire et menée, on pourrait dire, à la trique, à la schlag. Alors c'était un journal déjà un peu ancien, du mercredi 18 juillet. Vous avez entendu parler de ça depuis la rentrée avec les partenaires sociaux non, ben non, la rentrée des partenaires, ça sera plus tard. Plus tard, au mois de septembre, les mauvaises surprises. Alors, le mois de septembre, le mois d'octobre risquent des mois très, très, très, très défavorables. Eh oui. Bon, il va falloir qu'un jour le peuple se fâche. Hein, rappelons que l'article 35 de la Constitution de 1793 stipulait que lorsque le peuple est privé de la justice, il a le droit et l'impérieux devoir de faire justice lui-même. Curieusement, cet article 1 n'a pas été repris par les constitutions suivantes. Ça vous étonne, vous ? Non, pas tellement. Événements en Coupe du Monde, les couacs des célébrations post-mondiales. Le retour de l'équipe de France lundi après son titre de champion n'a pas été complètement couronné de succès. Et plusieurs ratés ont été pointés du doigt par les supporters des Bleus. Alors ça, c'est ancien, c'est le mercredi 18 juillet 2018. C'est fini, on oublie ces trucs-là, on n'y pense plus. Ça a duré un temps, on nous a saoulé à longueur de page, à longueur d'antenne avec ça. Et puis, ben, le soufflet retombe et pof, terminé, on tourne la page, on passe à autre chose. Bon, c'est donc que ce n'était pas si important que ça. Royaume-Uni, Rolls-Royce présente son taxi volant. Ah oui, un beau taxi volant. Alors, c'est peut-être à venir. Une vitesse maximum de 322 km/h avec une autonomie de vol de 805 km. Le véhicule, qui a déjà coûté plusieurs millions de livres en développement, bah oui, en recherche et développement, utilisera une turbine à gaz traditionnelle complétée par un système électrique. Voilà. Rolls-Royce. Taxi volant. Trump admet l'ingérence russe. Oh, oh, oh, oh, elle est bonne celle-là. Trump admet l'ingérence russe. Le président américain Donald Trump a assuré hier admettre les conclusions de ses services de renseignement, ouais, qui sont quand même efficaces, on suppose, selon lesquelles la Russie a bien interféré dans la campagne présidentielle de 2016, cherchant à apaiser la vive controverse après son sommet lundi avec Vladimir Poutine. Le locataire de la Maison-Blanche est revenu sur ses déclarations, jugées trop conciliantes à l'égard du maître du Kremlin, expliquant s'être mal exprimé à Helsinki quand il a dit n'avoir aucune raison de ne pas croire les dénégations de Poutine sur l'interférence de Moscou dans l'élection. Alors, on avait parlé aussi de l'interférence de Moscou à propos des élections françaises. Eh oui, Vladimir Poutine serait-il suffisamment filou pour arriver à magouiller, pour faire élire tel ou tel? Il choisit ses futurs partenaires, ses futurs adversaires, ses futurs collaborateurs, amis dans la politique mondiale. Ça serait pas bête, hein, sur le plan diplomatique, ce serait très habile. Bon. Pour la Russie, pour Poutine, pour nous, ça, je ne sais pas. Hein. L'avenir nous le dira. Russie, les orthodoxes commémorent le centenaire de l'assassinat du tsar. Alors, je dirais, moi, l'assassinat de la famille du tsar et l'exécution du tsar. Hein. Oui, parce que lui, il avait quand même des responsabilités. Les tsars, ils ont eu des responsabilités pendant plusieurs siècles en Russie, et il ne faisait pas bon être russe quand même. à cause du climat, bien sûr, mais à cause du climat politique, social, non plus. Le centenaire est porteur. La Fédération des cercles généalogiques vosgiens a inauguré hier son exposition Vosges 1918, la fin de la guerre, une occasion de prendre le temps de se souvenir. Alors c'était le mercredi 18 juillet 2018, mais vous voyez, quand même, les cercles généalogiques y font aussi du bon boulot. Ils nous permettent de comprendre certains faits, certains moments de l'histoire. Et si on nous raconte une guerre, qu'on fait une énumération des dates et simplement des événements, c'est pas forcément suffisant. Peut-être qu'on pourrait nous expliquer aussi les causes et les conséquences. Hein, ça serait bien, ça. Ah oui, vous imaginez un cours d'histoire où on aurait trois phases. Une première phase, cause. Une deuxième phase, le déroulement. Et troisième phase, les conséquences. Et les conséquences jusqu'à aujourd'hui, parce que en général, il y a des conséquences à court, moyen et long terme. Bientôt à Verger, un potager à l'école, à Savigny. Afin de sensibiliser les enfants à l'environnement et à l'alimentation, il est envisagé de créer un verger, un potager et des haies à proximité de l'école pour un projet éducatif global. Voilà. Le 14 juillet, vue du ciel par Thomas Pesquet. Eh bien oui, Thomas Pesquet, il est cosmonaute, astronaute, et il est toujours pilote de chasse, hein, dispositif exceptionnel sur TF1, 6 heures d'antenne, un trio inédit de stars pour présenter l'événement et un invité d'honneur exceptionnel, Thomas Pesquet. Alors Thomas Pesquet, je lui dis encore une fois merci pour les photos qu'il nous a envoyées de l'espace, elles étaient magnifiques. Hein, c'était un truc auquel les autres n'avaient pas pensé jusque-là, et lui, il a pensé aux contribuables, aux citoyens qui lui offraient ce beau voyage. Les défis de l'ONU, tout ce qu'elle doit faire, le portugais Antonio Guterres prend des commandes d'une institution confrontée à de graves crises internationales, tandis que Donald Trump conteste jusqu'à la légitimité du nouveau secrétaire général. Celui-ci s'engage en faveur de la paix et de la sécurité. Vous avez entendu la moto qui vient de passer là? On l'entend plus. On l'entend plus. Ah, on en entend une autre. Voilà, c'est là aussi on l'entend très fort. Et puis à un moment donné, on l'entendra plus. Ben oui. Hein, les tatouages avec des choses, des signes kabbalistiques, la vitesse, voilà. Et puis la hard machin chose, tout ça, ça va ensemble. Ah oui. L'accord de. C'est une sorte de culture. Culture avec un C minuscule. L'accord de Paris sur le climat, décembre 2015, met l'ONU sur le devant de la scène. Et ben voilà, l'ONU va faire son travail, sans doute. Comment soustraire l'ONU à son rôle de cheval de Troie des grandes puissances? Ensuite, le temps tourne, je vais plus vite maintenant. Centrale nucléaire, situation et source de risque dans la durée. Ah, voilà qui commence à avouer. On a peut-être d'espoir qu'ils avouent tout un jour. La robustesse des piscines, ici celle de Saint-Laurent-des-Eaux, dans le Loir-et-Cher, où est immergé le combustible usagé, est primordiale. Ben oui, il ne faut pas qu'il y ait de fuite d'eau, parce que sinon, le combustible qui est refroidi dans l'eau, parce que les trucs, les machins sont freinés, et puis la température est évacuée au fur et à mesure, eh bien, dans le cas où la piscine viendra à se vider, eh bien, on se retrouverait dans la situation de Tchernobyl, ou de Fukushima, vous choisissez lequel des deux vous préférez. La robustesse des piscines. Donc, en 2015, l'ASN relevait une anomalie sur la cuve de l'EPR de Flamanville, dans la Manche. Aujourd'hui, avant l'ouverture prévue fin 2018, les écologistes s'inquiètent de sa couverture. Bon. Enfin bon, façon de parler, bon. J'ai pas dit que j'étais d'accord avec ça, que je trouvais que c'était bien, quand même pas. Moisson, belle année en perspective. Ben oui, avec le soleil qui a. D'ailleurs, elle est bien commencée, la moisson, elle est bien avancée. Leptospirose, danger en eau douce. Le décès d'un triathlète en mai est venu rappeler que cette maladie, dont l'incidence augmente en France métropolitaine, peut être grave. Maladie tropicale, surtout présente dans les pays du Sud et les territoires d'outre-mer, la leptospirose réémerge depuis quelques années dans d'autres pays, dont la France métropolitaine, où l'on compte 600 cas chaque année. Pour la vie politique de notre pays avec ce qu'on a appelé l'affaire Benalla-Macron. Vous savez comme moi qu'il y a eu une vidéo qui a montré une personne qui n'est pas un policier se jeter sur des gens, les frapper, et tout ça en dehors de tout cadre légal. Je ne dis pas que ce soit bien de frapper des gens dans le cadre légal, mais ça est encore plus détestable quand ce sont des gens qui n'ont aucune autorité de police qui procèdent à des interpellations de cette nature. Bon, tout ça, vous le connaissez. On a eu, à la suite de la diffusion de cette vidéo, plusieurs jours étranges. Aucun responsable ne voulait répondre. Personne. Le Premier ministre a préféré commenter une étape du Tour de France plutôt que de répondre à l'appel de l'Assemblée nationale, qui a le droit constitutionnel de lui demander de venir, n'a pas répondu. Nous lui avons mis cette demande par écrit. Il a répondu « ce n'est pas opportun, je ne viens pas ». Comme il n'avait pas moyen d'y échapper, il a été obligé de passer à la série des questions dites d'actualité. Alors, je sais que du point de vue du spectacle, c'est une bonne chose, c'est plaisant à regarder, on voit plusieurs questions posées et des réponses, mais je voudrais que vous sachiez que c'est totalement insuffisant. Chacun d'entre nous a 2 minutes pour interpeller le Premier ministre, 2 minutes. La France insoumise, qui représente plusieurs millions de personnes, a eu 2 minutes de temps de parole pour interpeller le Premier ministre, qui lui a le temps qu'il veut pour répondre. Je vous le précise pour dire que ceci n'est pas une manière normale de vivre des institutions. De même qu'il n'est pas normal que le ministre chargé des relations avec le Parlement, c'est son boulot, ne vienne pas dans l'hémicycle quand toute l'Assemblée dit « mais nous voulons entendre quelqu'un ». Et ce ministre, où il était ? Dans les couloirs, en train de passer à des altercations avec des députés qui se trouvaient là, ou à la buvette. Mais nous ne l'avons pas vu dans l'hémicycle. À aucun moment, il n'a porté la parole du gouvernement devant nous. Ça, déjà, ce n'est pas des formes acceptables. Dans tous les parlements du monde, avec une affaire pareille, les ministres concernés viennent. Là, c'était le ministre de l'Intérieur. Au bout de 2 jours, on voit bien que ça ne pouvait plus être le ministre de l'Intérieur, mais le Premier ministre ou le ministre chargé des relations avec le Parlement. Rien. J'y insiste, vous ne pouvez pas accepter que les choses se passent comme ça. Parce que ça, c'est la monarchie. Le monarque se tait et demande à tous ses subordonnés d'en faire autant. Et donc, pendant 3 jours, on ne sait rien. Et on est condamné, nous parlementaires, à intervenir en rafale pour demander des explications, ce qui permet ensuite à la majorité de dire « regardez, voyez leur comportement », mais ce comportement a été provoqué de manière délibérée par la majorité. Au bout de 10 heures, nous avons obtenu la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Juste avant, la même chose avait été décidée au Sénat. 10 heures de pression pour obtenir ça. Une commission d'enquête, ce n'est pas une instance administrative, ce n'est pas non plus un tribunal, et tous ceux qui viennent devant ne courent aucun risque s'ils ne mentent pas. S'ils mentent, évidemment, ils courent le risque du mensonge. C'est d'ailleurs pourquoi on a demandé à entendre le président de la République. Parce que plusieurs constitutionnalistes sont d'accord avec nous pour dire que dans la mesure où une commission d'enquête, qui est là, la commission des lois, ne porte pas de jugement, ne vote pas, n'a pas d'appréciation sur les témoignages et les auditions qu'elle recueille, eh bien, le président de la République peut venir. Après tout, c'est quand même lui qui a dit qu'il était prêt devant le Congrès à Versailles. Hein, c'est lui qui a dit, bah, dorénavant, je resterai, j'écouterai ce qu'on me dit et puis je répondrai. Donc il est d'accord pour répondre sans vote devant des parlementaires. Pourquoi ne le fait-il pas là? Il n'a rien dit, à aucune occasion. Et hier soir, à l'occasion d'un pot de fin d'année des députés de La République En Marche, il a surgi et fait un discours. On peut beaucoup se poser de questions sur cette façon de procéder. Mais on s'en pose d'autant plus qu'il y avait autour de lui quelques-uns des principaux personnages de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, qui applaudissait certes fortement, mais qui applaudissait. La ministre de la Justice, alors que vont être évoquées devant elle des questions judiciaires qui relèvent de son autorité. Alors c'est la même femme qui était présente à l'Assemblée nationale et qui disait « moi je ne peux m'exprimer sur rien parce que il y a des instructions judiciaires qui sont en cours ». Et combien d'autres qui sont là sur les images, si vous les regardez, autour du président de la République qui prend la parole et fait un discours. C'est donc un discours de pot de fin d'année qui nous permet de savoir ce que le chef de l'État pense. Ça aussi, c'est pas banal. Ça manifeste tout de même un mépris incroyable, non seulement pour le reste de la représentation nationale, mais aussi pour les citoyens. Comme on est dans la confusion la plus complète à ce moment-là, on a pu voir des membres de la commission qui enquêtent sur les événements être devant le chef de l'État, qui refuse de venir en audition devant la commission, entendre des mises en cause, dont celle du Parlement, dont ils sont membres, et entendre des compliments faits à M. Alexandre Benalla, jusqu'au point que le public qui se trouve là se met à l'applaudir. Et tout ça, sans que personne dans cette salle, de grands défenseurs de la morale, de la séparation des pouvoirs, eux qui nous ont donné toutes les leçons du monde sur la manière moderne et nouvelle de faire fonctionner la politique, ne sente qu'il est en train de se livrer au plus malsain et au plus vil des copinages. C'est par copinage que tout ce monde applaudit, est d'accord et s'enthousiasme à l'audition de celui qui se présente à cet instant comme un chef de bande, davantage que comme un président de la République. Au demeurant, que dit-il ? Ce que les auditions démontraient d'heure en heure. Il dit, le seul responsable de cette affaire, c'est moi, et moi seul, dit-il, avant de déclarer à bleur et fanfaron, s'ils veulent un responsable, c'est moi, et qu'ils viennent me chercher. Venir vous chercher, monsieur le président de la République ? Oui, pourquoi pas ? Dites-nous où on doit aller vous chercher. Ceci est une rotomontade qui n'a aucune réalité. Soit on demande à vous auditionner et vous l'acceptez, soit on ne peut rien, parce que telle est la Ve République. Alors pourquoi se donner ces grands airs et dire « je suis responsable de tout et je réponds de tout » alors que vous ne répondez de rien ? Vous ne répondez même pas des faits, car clairement vous avez tous menti. Vous, monsieur le président de la République, en disant qu'une sanction avait été prise, mais il n'y en a aucune trace, ni écrite, ni dans le salaire de M. Benalla. Il n'y a donc eu aucune sanction de prononcer réellement. Votre ministre de l'Intérieur ment quand il dit qu'il ne connaît pas M. Benalla. C'est impossible, il l'a vu des dizaines de fois. Et chacun à tour de rôle s'est déchargé sur le suivant. Et vous le premier, parce que quand vous dites « je ne me décharge pas sur des collaborateurs », c'est pourtant ce que vous êtes en train de faire. Vous vous déchargez sur les autres parce que les autres, on peut les auditionner. Les autres peuvent être traduits en justice. Pas vous. Vous le savez. Vous vous déchargez sur eux. Par conséquent, le comportement qu'a eu le président de la République hier soir est tout à fait inacceptable. Nous sommes dans un régime de démocratie parlementaire et de présidentialisme, très présidentialiste. Il faut respecter les formes. Tout ça n'est pas un jeu vidéo. Tout ça n'est pas un feuilleton dans lequel les personnages entrent par une porte, sortent par l'autre, comme au théâtre de boulevard. Et pourtant, c'est ce qu'ils sont en train de faire tous. À cette heure, j'estime que le président devrait être à l'honneur et au respect de l'institution parlementaire de se présenter pour une audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, puisque nous sommes nombreux à le demander, pour qu'il assume les décisions qu'il a prises. Pour ma part, en écoutant ceux qui sont venus, je suis dorénavant convaincu d'au moins une chose. Le président, par son comportement, le président, par la proposition de réforme constitutionnelle qu'il présente, a décidé définitivement de contourner le Parlement, de le considérer comme une réunion de fâcheux dont le nombre doit être diminué, dont les pouvoirs doivent être restreints, dont les convocations doivent être totalement à la main du gouvernement, car c'est le contenu de sa réforme constitutionnelle. Je considère comme un succès provisoire que cette réforme ait été retirée. Je suis convaincu qu'à l'Élysée, ils organisaient, sans aucun doute sur la question, un nouveau service de sécurité du président de la République qui aurait fonctionné comme une entité à part, avec un corps particulier de fonctionnaires et de contractuels, puisque M. Benalla était un contractuel, et que dans cette organisation, Alexandre Benalla et quelques autres personnages qui ne sont pas des fonctionnaires de police ni des gendarmes jouaient un rôle essentiel, tant et si bien qu'ils ont fini par se comporter comme si ce service existait déjà, comme s'ils en étaient déjà les chefs, sans se rendre compte que tout ça n'avait aucune espèce de réalité administrative ni aucune légitimité politique. Voilà le point où nous en sommes. Ah, bien sûr, l'été peut passer là-dessus. Le Tour de France, reprendre la une de l'actualité, les faits divers, revenir devant. Mais la blessure dont est dorénavant affligée notre République, elle, ne cicatrisera pas si vite. Dans la vie des peuples, il y a des moments qui sont fondateurs et des moments qui sont défaisants. Les moments fondateurs, c'est quand le peuple lui-même devient constituant, prend une décision à une très large majorité. Et les moments qui le défont, ce sont des moments comme ceci, où tous les pouvoirs sont piétinés, où un ou deux personnages se croient au-dessus de toutes les lois et ne respectent plus rien des règles qui font notre vie commune. Avez-vous vu comment tous ces gens parlent dorénavant de l'opposition ? Ils la trouvent insupportable. Mais dans une démocratie, il y a une opposition, toujours. Sinon, ce n'est plus une démocratie. C'est une dictature. L'Assemblée nationale n'est pas préposée à être une fabrique des lois, comme ils disent. L'Assemblée nationale vote la loi, en principe est censée pouvoir l'amender, ce qui ne se produit jamais avec la République en marche, contrôle l'action du gouvernement et a une respiration politique. Elle s'exprime devant le peuple, elle montre, elle donne à voir. C'est cela que nous avons. C'est comme ça que ça se passe dans les sociétés civilisées. Alors on nous dit... C'est violent des fois, oui, c'est violent verbalement, mais ça fait aussi partie de la façon de fonctionner de tout ça. Autrefois, on réglait ces problèmes à coup de fusil ou à coup de bâton. Là, on les règle avec des paroles, avec des procédures. Et c'est pourquoi, dans toute la vie publique, le principe suprême est la vertu. C'est-à-dire d'agir toujours conformément à ce qui est bon pour tous. On ne peut pas séparer la vertu du droit. Dans une société d'état de droit, le droit, s'il n'est pas référé à l'intérêt général et à la vertu, c'est plus le droit, c'est juste des contrats. Et le contrat, comme vous le savez, c'est toujours le plus fort qui en décide les termes. Et c'est toujours le plus fort qui peut en rompre les termes. La France est en chinois, ça s'appelle le pays de la loi, c'est comme ça. La loi est votée par tous, par l'intermédiaire des députés qui représentent le peuple tout entier, elle est placée sous l'égide de la vertu et elle s'applique à tous. Il peut arriver, d'une manière qui se discute, que certains personnages soient mis en quelque sorte hors du champ de la loi. C'est le cas du président de la République, pour toutes sortes de raisons, des fois qu'on peut comprendre, d'autres moins. Mais là, en plus de la loi, il y a le sens commun. Il n'est pas normal qu'un individu se soustrait à toute question, décide de faire des discours de bravache dans les pots de fin d'année pour narguer tous ceux qui lui déplaisent. Montre du doigt d'une manière inacceptable l'opposition en disant qu'elle est l'ennemi de l'État et de la République. Pour l'instant, dans ce contexte, les amis de l'État, c'est nous, la France insoumise, qui ne cessons de protester contre le démembrement de l'État au profit des sociétés privées. Les amis de la République, c'est nous, la France insoumise, et d'autres bien sûr, qui la faisons vivre à travers nos interpellations et notre action. Voilà, je vous ai dit ces choses parce que, au moment même où je vous parle, j'apprends que, imitant le style de leur grand chef, dorénavant, tous les chefs intermédiaires et chefs haillons de La République En Marche se comportent comme lui. Tout à l'heure, nous avons vu la présidente de la commission des lois et les autres membres de cette commission, qui sont aussi membres de La République En Marche, tenir une conférence de presse séparée dans laquelle cette présidente annonce qu'en gros, la commission d'enquête a terminé son travail, qu'elle ne recevra pas celui-ci, qu'elle n'entendra pas celui-là, mais qu'elle va réentendre celui-ci et celui-ci. Tout ça est inacceptable, nous ne sommes pas un décor, ils ne sont pas tout seuls. C'est pas à eux de décider seuls de ce qui se fera et ne se fera pas. On voit bien à quoi ils veulent tous arriver, éteindre l'affaire. Le président a parlé, dans son pot de fin d'année, avec ses copains, Vous avez vu derrière lui ranger tous les personnages de l'État, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, la garde des Sceaux, etc., le président du groupe. Et cette bande a décidé que l'affaire était close et elle est en train de la fermer partout où elle le peut. Ce ne sera pas le cas ici à l'Assemblée nationale car nous ne laisserons pas faire. Je ne sais pas quel sera le succès de nos interventions. Peut-être que vous entendrez dire que nous profitons des circonstances. Mais si nous ne le faisions pas, si nous n'intervenions pas comme nous le faisons, mais c'est vous qui seriez en droit de dire « mais qu'est-ce que vous faites ? On ne vous a pas élu pour dire oui. On ne vous a pas élu pour approuver tout ce qui se présente et vous taire quand on vous dit de vous taire. » Nous ne nous tairons pas. Nous finirons par avoir le dernier mot, c'est-à-dire que cette réforme constitutionnelle ou bien ne se fera pas, ou bien sera présentée au peuple français tout entier. Nous aurons le dernier mot, parce que la commission d'enquête, si ce n'est celle de l'Assemblée, parce que La République En Marche aura réussi à la juguler et à la bâillonner, ce sera celle du Sénat qui fera connaître la vérité. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent contourner le Parlement et le peuple se sont toujours trompés dans notre histoire, et vous allez en avoir une nouvelle démonstration. Ayons à cœur notre République, et vous verrez, elle sera bien défendue. Si gît au fond de mon cœur une histoire ancienne, un fantôme, un souvenir d'une que j'aimais, le temps à grands coups de faux peut faire des siennes. Mon bel amour dure encore et c'est à jamais. J'ai perdu la tramontane en trouvant Margot, princesse vêtue de laine, déesse en sabots. Si les fleurs le long des routes se mettaient à marcher, c'est à la Margot sans doute qu'elle ferait songer. Je lui ai dit de la Madone, tu es le portrait, le bon Dieu me le pardonne, c'était un peu vrai. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous, j'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. La mignonne allait aux vêpres se mettre à genoux, alors j'ai mordu ses lèvres pour savoir leur goût. Elle m'a dit d'un ton sévère, qu'est-ce que tu fais là? Mais elle m'a laissé faire, les filles c'est comme ça. Je lui ai dit par la Madone, reste auprès de moi. Le bon Dieu me le pardonne, mais chacun pour soi. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous. J'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. C'était une fille sage, à bouche que veux-tu? J'ai croqué dans son corsage les fruits défendus. Elle m'a dit d'un ton sévère, qu'est-ce que tu fais là? Mais elle m'a laissé faire, les filles c'est comme ça. Puis j'ai déchiré sa robe sans l'avoir voulu. Le bon Dieu me le pardonne, je n'y tenais plus. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous. J'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. J'ai perdu la tramontane en perdant Margot, qui épousa contre son âme un triste bigot. Elle doit avoir à l'heure qu'il est, deux ou trois marmots qui pleurent pour avoir leur lait. Et moi j'ai été leur mère longtemps avant eux. Le bon Dieu me le pardonne, j'étais amoureux. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous, j'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. Relaxé, le verdict du tribunal correctionnel de Nice est un immense soulagement pour Martine Landry et par extension pour tous les militants venant en aide aux migrants. Cette femme de 73 ans, membre d'Amnesty International, était accusée d'avoir facilité l'entrée en France de deux adolescents guinéens en situation irrégulière. Elle risquait jusqu'à 5 ans de prison. Pour le tribunal, il n'y a aucune preuve qu'elle ait aidé ces jeunes à passer la frontière depuis l'Italie. On reconnaît que toutes les déclarations que j'ai pu faire disant que je n'avais pas passé la frontière avec les jeunes, mais que je les avais bien attendus au panneau aux France pour les conduire directement à la police aux frontières de Menton. Tout ça a été reconnu comme juste. Rien n'est respecté à cette frontière, les procédures ne sont pas respectées. Ça fait des années qu'on le dénonce. Et c'est reconnu que notre action est tout à fait légitime. Cette relaxe doit aussi beaucoup à la décision du Conseil constitutionnel il y a une semaine. Saisi par l'agriculteur militant Cédric Héroux, il a consacré le principe de fraternité, estimant qu'un citoyen avait le droit d'aider pour des raisons humanitaires un étranger en situation irrégulière sur le sol français. Mais ce n'est pas pour autant la fin du délit de solidarité. Aider des personnes, même en détresse, à passer la frontière reste un délit. Non, il n'a pas disparu parce que justement le Conseil constitutionnel a donné aux parlementaires jusqu'au 1er décembre pour traiter de cette question. Et donc, on va continuer à travailler pour l'abolition du délai de solidarité dans notre droit français, qui n'est pas encore fait. Si on fait rentrer le droit international, c'est-à-dire le traité de Palerme, dans notre droit, comme notre Constitution nous y oblige, eh bien, c'est à ce moment-là que nous aurons gagné. Ce traité de Palerme dit que les États doivent protéger les personnes qui portent assistance aux migrants et aux demandeurs d'asile. Alors, non seulement là, l'État ne porte pas assistance à ces personnes, mais en plus, elle essaye de les faire condamner. Vous vous sentez en danger par rapport aux immigrés qui arrivent et qui pourraient prendre votre travail? Oui, à qui on offre des formations, à qui on apporte une aide de toutes sortes. On délaisse le français de base, le français lambda. On l'entend tout le temps, tous ces immigrés qui pénètrent sur le territoire français, eh bien ils vont ruiner l'économie de notre beau pays. Eh bien c'est pas vrai. Est-ce que vous avez autour de vous des exemples de personnes qui ont perdu leur emploi et qui a été remplacé par un immigré? Parce que c'est une part que vous avez. Est-ce que vous l'avez peut-être vu concrètement autour de vous? Peut-être que dans le bâtiment, ça se retrouve, mais dans notre secteur administratif tertiaire, ça n'existe pas encore. Mais peut-être que ça va venir. Il y a beaucoup d'immigrés ici qui travaillent vraiment et que même les Français ne veulent pas faire. Donc les immigrés font le boulot que les Français ne veulent pas faire? Voilà. Je viens du travail comme ça. D'accord. Vous faites quoi comme travail? Mais je viens de faire agent d'entretien. Et puis l'après-midi, je vais faire sortir l'école. Comment ça se fait qu'agent d'entretien, c'est que des immigrés qui fassent ce travail? Moi, je ne sais pas, parce qu'il faut se lever très tôt, parfois à 5h du matin pour venir travailler. C'est pas donné à tout le monde. Alors, autour de vous, dans le bâtiment, oui. Il y a principalement des immigrés ou des Français? Non, des immigrés. Il y a des Français, oui, des électriciens, le chef, le patron, mais les ouvriers, c'est les étrangers. En France, il y a, selon le MEDEF, 320 000 emplois non pourvus. Des emplois on n'arrive pas à recruter pour ces emplois-là, et c'est effectivement dans les métiers comme le vôtre qui sont des métiers difficiles, comme le bâtiment, comme la restauration, exactement. L'hôtellerie. Et c'est des métiers, en fait, on n'arrive pas à recruter, et c'est pour ça qu'on a recours à des immigrés. Donc, en fait, merci. Bonne journée. Merci, au revoir. L'Allemagne a eu 1,9% de croissance l'an dernier, son meilleur taux de croissance depuis 10 ans. Alors que la France, sur la même année, on a fait 1,1%, alors qu'on a eu une politique d'immigration, une des plus restrictives du monde. Le consensus des économistes, c'est que l'effet de l'immigration sur les pays d'accueil, sur le marché du travail, sur les finances publiques, est d'une amplitude très faible. On investit dans l'accueil et on récupère les gains si on investit bien dans l'accueil des réfugiés, c'est juste, parce qu'ils contribuent à la consommation. Il faut expliquer aux gens qu'on peut avoir un chômage de 10%, ce qui est énorme, et avoir en même temps des difficultés de recrutement sur le marché du travail. À la limite, la concurrence adviendrait davantage des robots que des immigrés. Finalement, plutôt que de pointer du doigt les immigrés qui nous volent nos travail, peut-être qu'il faudrait se demander si ce n'est pas plutôt les robots qui, dans 20 ans, auront notre boulot et que finalement les immigrés sont dans la même situation que nous, ils seront tous au chômage. Voilà. Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais

Je crois que vous en conviendrez avec moi. Quand il y a un flou, le besoin de clarté se fait pressant pour la société tout entière. Comme opposition, c'est notre rôle de rendre public vos mensonges, clairs vos raisonnements obscurs et de soulever méthodiquement les contre-vérités que vous utilisez. Je vais commencer par vous citer un discours sur lequel j'aimerais connaître votre sentiment profond. Nous allons refonder une route de la liberté et de la responsabilité qui ira de l'autre rive de la Méditerranée et qui traversera toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La Méditerranée est devenue un tombeau de la nécessité, elle est devenue notre honte, elle est devenue une mer de division de part et d'autre de ses rives. Et pourquoi tant et tant ont peur de l'immigration? Mais parce qu'on ne vit pas bien en Afrique, c'est par nécessité qu'on quitte ces pays. Je suis sûre qu'en soutien de celui qui a prononcé ces mots, nombre d'entre vous ont reconnu la prose singulière d'Emmanuel Macron. Peut-être les plus fervents savent-ils déjà qu'il s'agit du discours de Marseille, de sa campagne présidentielle. La Méditerranée, disait-il alors, est devenue notre honte, le tombeau de la nécessité. Je rejoins celui qui parlait alors. Mais je voudrais apporter une précision cependant. Au lyrisme de ces mots, il manque en effet la réalité concrète de ce tombeau. 40 000 morts ont été recensés depuis 20 ans dans cette mer. 40 000 noyés, 40 000 cris désespérés dans la Méditerranée avant d'étouffer et de plonger pour toujours dans ce qui est devenu un charnier couvert par les roulements éternels de l'océan. 600 sont morts le mois dernier. Et combien sont morts et n'ont pas été comptés? Lors de l'opération Mare Nostrum en 2013 et 2014, le gouvernement italien avait repêché plus de 100 000 individus. Et les années suivantes, combien se sont noyés du fait de l'annulation de l'opération? La honte dont parlait Emmanuel Macron l'année dernière, l'éprouvez-vous personnellement, monsieur le ministre, en nous présentant ce projet de loi indigne de la France? Le triste épisode de l'Aquarius, que la France n'a pas accueilli en dépit de la généreuse proposition de nos compatriotes corses, dit assez combien monsieur Macron a ravalé sa honte. J'imagine qu'il en est de même pour vous. Mais en la matière, il faut savoir allier le sens des responsabilités au sens moral. En l'espèce et en nous présentant ce texte, vous n'avez ni l'un ni l'autre. La réalité, monsieur le ministre, est que les personnes qui migrent le font par nécessité, comme le disait l'actuel président, avant de le devenir. Il faut donc, si nous souhaitons qu'ils ne se trouvent pas dans la triste obligation de s'arracher à leur pays, s'occuper de la nécessité qui les pousse à partir. Mais en attendant, si ce sens de responsabilité vous habite, monsieur le ministre, chers collègues, entendez la puissance de cette nécessité. Écoutez ce témoignage recueilli sous le nom de Gaoussou Dembélé, homme qui a risqué sa vie pour passer les barrières de l'enclave de Melilla en 2014. Voici ce qu'il dit. Les forces marocaines, même si elles sont des millions, ne pourront pas nous stopper, parce que nous sommes déterminés et surtout parce que nous sommes prêts à mourir. Oui, on est prêt à mourir et on est prêt à risquer notre vie, vraiment. Je pense qu'à ce moment-là, ils ont peur. Nous sommes presque des cadavres, des morts vivants qui foncent. Le vivant a peur. La mort n'a jamais peur. Même s'ils mettent sans barrière et que c'est encore plus dur, on continuera à tenter. Nous, on s'en fout. On n'a pas peur de l'effort. On est prêt à tout donner. On est prêt à laisser notre vie. Je souhaite, dans ces débats, faire entendre la parole des premiers intéressés. Ceux qui viennent et trop souvent sur la route meurent. Où est donc cette fameuse route de la liberté et de responsabilité qu'évoquait le candidat Macron dans les discours de Marseille? Nous ne le savons que trop. Les mots perdent au fil du quinquennat leur sens et finissent par renvoyer à leur contraire. En lisant le projet de loi Asile et Immigration, il n'y a que deux possibilités qui apparaissent à l'esprit. Ou le président a changé d'avis sur la question, ou il aime à parler par antiphrase. En effet, le projet de loi que la majorité présente aujourd'hui ignore les réalités concrètes et sérieuses de l'immigration pour notre pays. La première, je l'ai dit, ce sont toutes ces personnes, chacune prise individuellement, pensez-y, monsieur le ministre, qui sont prêtes à mourir pour arriver ici, qui pour beaucoup d'entre elles périssent effectivement. Je le répète car nos débats autour de l'immigration doivent partir de cette réalité première, brutale et qui devrait à tous ici imposer le respect. Quand j'entends certains d'entre vous sous-entendre que les migrants feraient du droit comparé pour décider où aller, je ne peux tolérer un instant un tel mépris pour ces vies disparues ou qui évoluent sur une dangereuse crête entre la vie et la mort. J'ai envie à celles et ceux qui osent sans cesse avancer de telles insultes de leur suggérer de tenter le voyage, puisque c'est sans doute ainsi qu'ils le considèrent. La seconde réalité incontournable sur laquelle vous devriez vous fonder, monsieur le ministre, est celle du solde migratoire de notre pays. Sur les 30 dernières années, ce solde est nul. Il n'est pas arrivé sur 30 ans plus de personnes qu'il n'en est sorti. Jacques Toubon, le défenseur des droits, en a fait état à plusieurs reprises. Cependant, et en dépit de la réalité, vous avez parlé de submersion de certaines régions dans une rhétorique délirante dans son rapport aux faits. Le rapport aux faits, monsieur le ministre, est pourtant ce qui doit fonder une politique et ce à partir de quoi doivent s'articuler nos débats. Cette dimension vous a manifestement échappé. Je conseille à mes collègues de la majorité, comme à vous, monsieur le ministre, d'écouter le conseil du défenseur des droits. Dans un entretien au JDD paru le 24 juin, il disait ceci. Il faut que la vérité et la raison reprennent le dessus sur les préjugés et les émotions pour que soient respectés scrupuleusement les droits fondamentaux. C'est à la raison et à rien d'autre que j'en appelle aujourd'hui en vous demandant de voter notre motion de renvoi en commission. J'en viens à la troisième réalité incontournable en matière d'immigration et d'asile. Ce sont les conditions matérielles de l'accueil. Malgré vos déclarations dans la presse, monsieur le ministre, je ne voulais pas croire que vous vous refuseriez à accueillir décemment les personnes qui arrivent sur notre territoire pendant l'attente angoissée des décisions administratives qui peuvent chaque jour faire basculer leur existence. Je souhaite, si vous le voulez bien, en parler un instant. Commençons par les centres de rétention. Où sont détenues les personnes ne disposant pas de papiers? Ces personnes que votre projet de loi prévoit de détenir jusqu'à 90 jours, alors même que les centres sont déjà débordés. Le problème, c'est que la large majorité des gens qui sont dans ces centres de détention ne sont pas expulsables du territoire, dans la mesure où elles viennent de zones en guerre, dans lesquelles, et c'est heureux, vous en conviendrez, le droit international ne nous permet pas de les renvoyer. Donc quel est le sens de cette mesure? Puisque nous ne pouvons pas renvoyer ces personnes, pourquoi allonger la durée maximale de rétention? Vous n'avez fourni aucune explication et lors de la première lecture, vous avez poussé le ridicule jusqu'à annoncer que nous n'avions pas à nous inquiéter pour les enfants qui y séjourneraient. Pourquoi n'avons-nous pas à nous en inquiéter? Parce que vous allez adapter les centres de rétention. Des aires de jeu dans les centres de rétention, voilà donc où commence votre humanité. En vérité, elle disparaît avant même d'être apparue. Elle croule sous le poids de votre cynisme apparent. Je dis apparent car le cynisme suppose tout de même d'avoir un rapport suffisamment constitué au réel pour le manœuvrer. Mais vous rendez-vous compte qu'en maltraitant ainsi des personnes par dizaines de milliers, vous préparez votre propre chute et mettez en danger ce qui à soi seul définit notre pays, la République. Que dès lors, vos petits coups tactiques pour occuper tel ou tel espace sur l'échiquier politique, en poussant par ailleurs certains à la surenchère, n'auront plus aucune espèce de sens. D'ici 2022, vous appelez les centres d'hébergement d'urgence à réaliser 57 millions d'euros d'économies. Pour une structure associative comme Aurore, dont j'ai rencontré les responsables, cela suppose 15% de réduction budgétaire, de passer de 8 millions de budget total à 7 millions, soit 1 million en moins. Pensez-vous que ces centres puissent continuer à fonctionner correctement et à accueillir dignement les personnes qui s'y rendent dans ces conditions? En outre, vous avez demandé au centre d'hébergement d'urgence de migrants de se déterminer d'ici septembre, soit en centre d'hébergement de réfugiés, soit en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Encore un moyen supplémentaire pour vous pour faire le tri entre les bons et les mauvais migrants. Et vous leur demandez de passer d'un budget alloué quotidiennement de 35 euros par jour et par personne à 31,5 euros pour aller vers 25 euros par personne avec interdiction d'offrir un service de restauration. Une mesure qui privilégie les hôtels dans lesquels l'insuffisance de l'accompagnement limite fortement les possibilités d'insertion des personnes hébergées. Je vous assure que ce n'est pas par goût de la polémique que je vous pose cette question, monsieur le ministre. Quel est votre rapport à cette réalité ? Vécu par les acteurs de l'accueil. La méprisez-vous à ce point pour vous sentir ainsi autorisé à la priver de moyens? Et mes collègues de la majorité, vous rendez-vous assez dans vos circonscriptions pour rencontrer ces mêmes acteurs? Ne vous ont-ils rien dit des conséquences de ce que vous vous apprêtez à faire? Enfin, et je crois que ce point est essentiel, pour que vous compreniez à quel point ce projet est à contre-temps avec les exigences de notre époque. Vous devez prendre en compte la réalité du changement climatique qui a déjà commencé. D'ici à 2050, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU estime que 250 millions de personnes parcourront les routes de notre monde car leurs zones de vie seront devenues inhabitables. L'immense majorité de ces déplacements aura lieu dans le sud, mais il est évident qu'une partie de ces personnes s'acheminera vers l'Europe et vers la France. Que leur direz-vous alors ? Circuler, il n'y a rien à voir ? Retourner crever au soleil ? Allez donc vous noyer ? En tout cas, ce projet de loi pose les prémices pour que de tels discours puissent être tenus. Bref, ce projet de loi doit être renvoyé en commission pour 4 réalités matérielles que vous semblez ignorer. Les migrants sont prêts à mourir pour arriver. Il faudrait plutôt se demander pourquoi et comment contribuer à rendre la vie vivable là où elle ne l'est plus. Le solde migratoire est nul et la submersion dont vous parlez, monsieur le ministre, est la pure invention de votre imagination. Les conditions matérielles de l'accueil doivent être améliorées. Enfin, le changement climatique, réalité première qui commande notre temps, doit être tenu comme l'une des causes fondamentales des migrations du siècle à venir. Il doit être atténué pour en limiter les effets et il faut en tirer les conséquences quant à son adaptation. Ce projet de loi ne prend en compte aucune de ces 4 réalités matérielles. En ce sens, il est tout sauf placé sous le signe de la responsabilité. C'est un projet irresponsable. Mais il ne se contente pas d'être irresponsable, il est également inhumain. Vous piétinez les droits fondamentaux individuels dont notre République doit être la garante absolue et qu'elle doit porter universellement. C'est ici que devrait intervenir votre sens moral. Je me souviens d'un échange pour le moins tendu en commission au mois d'avril dernier entre un collègue de la majorité qui accusait le défenseur des droits d'être caricatural. Le défenseur des droits avait alors répondu très clairement, et je joins à ces mots, « Il n'y a pas de caricature à proclamer les droits fondamentaux. Si les droits fondamentaux sont caricaturaux, à ce moment-là, il y a un problème. » Il continue en ces termes après une remarque similaire d'un autre collègue de la majorité. Les droits fondamentaux ne peuvent être relatifs. En termes de droit inconditionnel à l'hébergement, ce n'est pas une bonne approche de dire « Non, ce droit n'est pas inconditionnel, nous allons l'adapter aux places du territoire. » Je crois que ce cours de philosophie politique avait été des plus salutaires pour certains. Dans son expression la plus concrète, s'il existe des droits fondamentaux, c'est pour que personne ne crève dehors. Ce sens moral nécessaire, celui des principes républicains les plus fondamentaux, est totalement absent de ce texte. L'hospitalité et la fraternité humaine sont des principes fondamentaux proclamés à l'époque moderne au moment de la Révolution française. Mais ils viennent de plus loin. Ils viennent de ce sans quoi l'humanité ne serait jamais parvenue à ce point de son évolution. L'entraide. Sans entraide, c'est la mort. Et si un jour c'est toi qui me demandes de l'aide, le lendemain, il se pourrait bien que ça soit moi. Schopenhauer, monsieur le ministre, chers collègues, distinguait deux types de comportements dans notre société à partir d'un exemple que vous avez tous dû vivre individuellement. Imaginez la situation quand vous croisez un homme ou une femme qui vit dans la rue. D'un côté, selon Schopenhauer, il y a l'homme bon, dont la pensée première sera « je pourrais être cet homme ». De l'autre, selon Schopenhauer toujours, il y a l'homme mauvais, qui immédiatement se dira « par bonheur, je ne suis pas cet homme ». Si vous êtes des premiers, je vous invite à voter notre motion de renvoi. Si vous êtes des seconds, restez dans cette bulle où vous pensez pouvoir ignorer les vies perdues et le sang versé du fait de l'irresponsabilité politique et morale dont vous faites preuve et d'autres avant vous. Je termine par un point important. L'alliance du sens des responsabilités et du sens moral a un nom. Elle s'appelle responsabilité historique. Mesurez la vôtre à l'aune de ce que vous vous apprêtez à faire. Faire barrage, faire barrage, faire barrage, nous répétait-on il y a un an. Mais à qui donc ? Ce texte nous en donne la réponse. Vous prenez la responsabilité de faire indistinctement barrage aux migrants et pas aux fascistes. La prochaine fois, vous garderez vos leçons d'antiracisme pour vous. Nous continuerons de notre côté, avec les millions de Cédric Héroux et de Martine Landry qui existent dans notre pays, nous continuerons à être de celles et ceux qui éclairent le passage dans la nuit que vivent les migrants. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Nous en arrivons aux explications. Thank you. moi, je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais dire à Madame la Ministre que l'unanimité contre le chômage, c'est très beau et c'est louable. Mais qu'on peut se poser la question, parfois, au vu de votre politique, par votre, j'entends pas spécifiquement la politique du ministère du Travail, mais la politique de l'ensemble du gouvernement, sur le fait de savoir si vous luttez contre le chômage ou si vous luttez pour la baisse des statistiques du chômage. Ce qui, de notre point de vue, n'est pas la même chose. Car si on regarde ce que fait le gouvernement pour le moment, c'est développer l'emploi précaire, c'est faciliter les licenciements. Oui, l'emploi précaire, par exemple les CDI de chantier. Oui, la facilitation des licenciements, comme avec les ordonnances. Vous savez, je pense que nous sommes plusieurs élus dans cet hémicycle à visiter de plus en plus de cimetières industriels où on nous explique que les politiques qui ont été menées, bien évidemment, elles vous ont précédé. Mais vous avez terminé le travail qui a été commencé avant vous. Eh bien, oui, libère les énergies à tel point qu'aujourd'hui, même sans justification économique, en tout cas à l'échelle globale d'un groupe, on peut licencier ici en France. Et donc on envoie des gens qui sont jetés au chômage de par votre politique. Si vous voulez réellement lutter contre le chômage, vous le savez, la clé, elle se situe d'ailleurs peut-être plus du côté du ministère de l'économie que de celui du travail. C'est la relance de l'activité dans le pays. Vous ne voulez pas entendre que le contexte est un contexte de pénurie d'emploi. Alors vous faites des petites broutilles, des ajustements de curseurs, comme par exemple le fait de contrôler davantage les chômeurs, mais vous ne relancerez pas l'emploi pérenne. Si c'est vraiment votre ambition, écoutez la parole de vos oppositions qui vous proposent des solutions ambitieuses. Mais visiblement, vous, ce que vous voulez pouvoir faire, c'est démontrer à horizon de quelques mois que les statistiques du chômage auront diminué. Or, vous savez que simplement en mettant des gens en formation, ils disparaissent des statistiques du chômage. Est-ce que pour autant la réalité sociale qui se cache derrière en est modifiée ? La réponse est évidemment, et non. Bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Vous êtes député insoumis du Nord. Vous êtes membre de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Hugo Bernalicis, vous irez le chercher, Emmanuel Macron, puisqu'il se présente comme seul responsable ? Écoutez, nous on demande depuis déjà plusieurs jours qu'il puisse être entendu devant notre commission d'enquête. Ça me semble essentiel au moment où effectivement Emmanuel Macron explique qu'il est le seul responsable. On voyait très bien dans les auditions qui se sont déroulées que beaucoup de choses convergeaient vers la présidence de la République. Et étant donné que M. Benalla était un très proche du président de la République lui-même, bon, on voyait mal comment il pouvait se dédouaner de ses responsabilités, mais vous voyez, là, il fait une sorte de provocation parce qu'il dit « je suis le seul responsable », alors même qu'au regard de la Constitution, il est ce qu'on appelle irresponsable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'inquiéter. Or, on a fouillé un petit peu, on a regardé quand même, même si rien ne l'oblige à venir devant notre commission d'enquête, rien ne l'en empêche non plus, donc il serait temps qu'il se prenne lui-même au mot et qu'il vienne s'expliquer, dit-il, devant les Français, au moins devant la représentation nationale, ce sera déjà une première bonne étape. Hugo Bernalicis, sommes-nous dans un Watergate à la française, comme le dit Jean-Luc Mélenchon ? Mais écoutez, Watergate quand même. Mais de plus en plus. À chaque fois qu'il y a une audition, le sentiment que j'avais, c'est que j'avais plus de questions après l'audition qu'avant l'audition. Des nouvelles portes qui s'ouvraient, des nouvelles personnes à interroger, des nouveaux noms qui surgissent à chaque étape de cette histoire. Donc on n'est pas arrivé au bout de la situation et de l'histoire. Je vois que le président de la République. C'est une affaire à tiroir, selon vous. Oui, c'est une affaire à tiroir. Et en plus, le président de la République et ses amis, ils veulent minimiser tout ça. Mais depuis le début, nous, on dit, ça sert à rien de se concentrer sur Monsieur Benalla, sur les violences qu'il a commises à ce moment-là. Tout le monde est d'accord. Tout le monde a vu la vidéo. Il sera inquiété. Faut pas se déguiser en policier. Bon, ça, tout le monde est au courant. Sauf qu'il y a un certain nombre d'individus qui sont déjà mis en examen et tombés. Il y a 3 policiers de la direction de l'ordre public et de la circulation pour avoir transmis des vidéos ce 19 juillet. Des vidéos de surveillance. Que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a sur ces vidéos de surveillance ? Honnêtement, de vous à moi, le 19 juillet, tout est déjà sur les réseaux sociaux. À partir du moment où Le Monde fait son article, où les uns les autres sortent des vidéos, qu'est-ce qu'on va apprendre de plus sur ces vidéos ? C'est étrange. Hugo Bernalicis, vous êtes à la base fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, c'est donc un univers que vous connaissez bien. Vous croyez à une guerre des services, une guerre des polices entre Monsieur Benalla, qui est gendarme réserviste, entre les policiers chargés de la protection du président ou la préfecture de police de Paris ? Je ne crois pas à une guerre des polices entre la police et la gendarmerie dans cette histoire. Par contre, oui, il y a un certain nombre de policiers et de gendarmes qui ont pu être exaspérés par le comportement de M. Benalla, qui lui n'est finalement qu'un agent privé. Et clairement, ce qu'on voit remonter, on le voit avec les auditions des syndicats de police hier au Sénat, effectivement, peut-être qu'un certain nombre de fuites et d'éléments viennent du côté des policiers et des gendarmes, et tant mieux si c'est le cas, il faut les saluer. Mais il y a un grand perdant pour l'instant dans cette histoire. Il y a un très grand perdant, c'est le ministère de l'Intérieur et sa réputation. Moi, ça me fait mal, vraiment, en tant qu'ancien du ministère de l'Intérieur, de voir un ministre, un directeur de cabinet, dire « j'en apprends plus dans le journal que dans mon propre ministère ». L'Opinion disait hier « Gérard Collomb, l'homme le moins bien informé de France ». Mais attendez, on rigole. On parle du ministère de l'Intérieur, je ne sais pas si les gens se rendent compte. On parle du ministère où le ministre a à sa disposition la DGSI qui fait le renseignement intérieur sur le terrorisme, le renseignement territorial, ces milliers de policiers qui sont sur le terrain, enfin des services hyper compétents, des services spécialisés. J'ai du mal à le croire, vraiment. Est-ce que la France insoumise dit merci à Alexandre Benalla ? Je m'explique. Vous avez perdu sur la réforme du Code du travail, vous avez perdu sur la réforme de la SNCF. On attend le mouvement social convergent, finalement. Heureusement que Benalla a mis en lumière les faiblesses politiques de la majorité que vous avez su exploiter, non ? Non, faut pas remercier Monsieur Benalla parce que et toute cette histoire. Moi, c'est pas un effet d'aubaine. Attendez, j'aurais préféré vraiment, et je pense tous mes camarades aussi, sur le terrain strictement politique, on va dire des réformes en cours, etc. Je pense qu'il y avait déjà des belles choses à faire, à progresser. Parce que là, le problème, et je vous l'ai dit pour le ministère de l'Intérieur, mais ça s'étend plus largement à tout l'État, c'est que c'est l'ordre républicain et l'État de droit qui est en cause. Quand vous avez le président de la République qui vous explique, oui, on a fait des bêtises, oui, on a couvert, on aurait dû prendre des sanctions plus tôt, oui, bon, je suis le responsable de tout ça, et de toute façon, je suis irresponsable au sens de la Constitution, qu'ils viennent me chercher, mais de toute façon, on peut pas aller le chercher. Donc, il y a un débat entre les constitutionnalistes, hein, c'est pas tranché d'ailleurs. Oui, non, mais je veux dire, le message qu'il envoie, d'impunité, de se dire, moi je suis vraiment au-dessus de la mêlée, y compris d'un point de vue juridique. Ça renvoie un message qui est dévastateur dans la société française. Parce que si le premier représentant de l'État, à savoir le président de la République, peut se permettre de faire un peu ce qu'il veut, et puis de passer l'éponge comme ça, par une belle formule, alors quoi, c'est tout le monde fait ce qu'il veut dans ce pays ? C'est ça ? Non, bien sûr que non. Et donc, il faut remettre de l'ordre dans tout ça, de l'ordre républicain, dans cet état de droit. C'est pour ça qu'il y a les commissions d'enquête et il faut cesser qu'elles soient entravées à la fois par le président, par son intervention d'hier, parce que je vous rappelle que la séparation des pouvoirs, quand il est devant ses amis députés La République En Marche et devant les ministres en même temps, j'avais l'impression d'être un peu au Congrès. Bon, comme j'y suis pas allé... Vous l'avez vu à la télé. Je l'ai vu à la télé. Bon, mais la séparation des pouvoirs, c'est à géométrie variable, visiblement, au sein de la majorité. Donc, il serait temps qui viennent devant cette commission d'enquête. La droite va déposer une motion de censure contre le gouvernement pour que celui-ci s'explique. Vous allez voter cette motion de censure ? Bah, a priori, je vois pas pourquoi on ne la voterait pas. Des informations dont je dispose, les députés des Républicains, en plus, feraient une motion de censure sans revenir sur ce qui fait divergence entre nous tous. C'est-à-dire, ils vont pas faire un programme politique, économique, social. C'est ça la convergence des luttes ? Christian Jacob, Jean-Luc Mélenchon et leurs troupes main dans la main ? À partir du moment où il y a une situation qui est grave, une situation exceptionnelle, oui, on doit dépasser le clivage politique pour être ce que nous devons être, c'est-à-dire des députés, le pouvoir législatif qui vient contrôler l'exécutif. Et c'est là où on sort grandi de ce genre de crise. Et on voit que depuis le début de cette affaire, les députés de La République En Marche n'arrivent pas à couper le cordon ombilical qui les relie à la présidence de la République et au gouvernement. Et ce n'est pas l'idée qu'on se fait de la séparation des pouvoirs. Je pense que Montesquieu, s'il était là, engueulerait tout le monde. La réforme constitutionnelle, les débats reprennent à la rentrée. Vous persisterez dans votre opposition massive alors qu'il y a des réformes qui vont dans votre sens. Par exemple, la suppression de la Cour de justice de la République. C'était des mesures que vous défendiez pendant la campagne électorale. Oui, enfin c'est toujours pareil. Dans une réforme, vous avez peut-être une ou deux où vous êtes d'accord, mais s'il y en a 14 ou 15 avec lesquels vous êtes en désaccord, à la fin, c'est oui-non hein, quand même. Hein. Donc le texte. Donc pour ce nous, sera ce sera non. Et surtout, j'espère bien qu'on sera en capacité d'organiser un référendum sur ce texte à la rentrée. Peut-être que c'est le moyen démocratique de purger la situation et de faire en sorte qu'on soit enfin dans une vraie république démocratique et non plus avec un monarque qui retranche Merci. Dans son palais en expliquant qu'ils viennent me chercher. Merci beaucoup, Hugo Bernalicis, député insoumis du Nord. Bonne journée. Blanc et j'entends Cette revue en parlant du foot, il n'y a rien à dire sur les matchs même, il y en a que ça intéresse, d'autres que ça intéresse pas, il y en a qui sont beaux, d'autres qui sont moins beaux, mais j'ai été frappé par toute une série de commentaires qui semblaient hostiles aux manifestations de joie, d'allégresse qu'il y a après certains matchs et notamment ici en France. Et je dois dire que je peux comprendre, j'ai longtemps été dans ce cas, que ça insupporte quand il y a comme ça une espèce de cérémonie imposée. Hein. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, de toute façon c'est comme ça, c'est foot. Et que ça a un côté envahissant qui n'est pas toujours très respectueux, je pense. Ici par exemple à l'Assemblée nationale, on n'a rien demandé à personne et le président a décidé que la séance était interrompue plus tôt pour qu'on puisse voir le match. Il a fixé une heure de reprise, c'était 21h45. Et bon, à 21h45, eh ben, on attendait dans l'hémicycle, il nous manquait toute une série de gens, dont le président lui-même, qui sont arrivés plus d'une demi-heure plus tard, parce qu'il y avait le succès, le résultat, puis ils ont dû boire un coup, puis il y avait pas mal bu là-dedans. Bon, alors ça, je comprends le côté intrusif et réjouissance obligatoire, que ça puisse choquer et déranger. Mais là où je suis plus d'accord, c'est quand on en vient à mépriser ceux qui se réjouissent, hein, en disant ben quoi, alors ils sont incapables de protester contre le sort qui leur est fait, mais là ils s'en vont tous sur les Champs-Élysées alors qu'ils auraient dû venir pour défendre leur cause, leur revendication sociale et tout ça. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'on doit pouvoir se réjouir, surtout quand c'est une réjouissance qui est purement positive, quoi. On est content parce qu'on a gagné, parce qu'on a une belle équipe, parce qu'elle est de bien des façons à l'image du pays dans sa forme la plus populaire. Et donc c'est normal d'être content et d'être joyeux, et c'est bien. Ça met de l'allégresse. Je ne comprends pas qu'on puisse regarder ça de trop haut. Voilà, je voulais le dire parce que, en particulier pour les gens qui partagent ma famille politique et idéologique, je pense que c'est une erreur. De regarder des manifestations de cette nature un peu trop de haut, un peu comme les bourgeois l'avaient fait quand les gens s'étaient précipités pour acheter du Nutella qui était en solde. Vous vous rappelez, bon, il y a eu toutes sortes de commentaires méprisants parce que, en effet, ça contient de l'huile de palme, parce que tout ça était vrai. Mais il fallait pas, pour finir, mépriser les gens qui le faisaient, parce qu'ils ne le faisaient pas par méchanceté ou parce qu'ils avaient envie de cotiser à l'huile de palme, mais ils le faisaient parce que c'était moins cher ce jour-là et que ça leur permettait d'en ramener à la maison pour leurs gosses, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux à leur donner. Je voulais le dire. Donc là, dimanche, il va y avoir le match de la finale. Évidemment, l'équipe de France va le gagner et il y aura des manifestations de joie. Et ben moi, je les trouverai normales et sympathique. En tout cas, je peux vous dire une chose qui était bien drôle, c'est que nous, on était dans l'hémicycle à ce moment-là, d'accord, sur la réforme constitutionnelle. Je vous dis pas, on aurait dit une assemblée de martiens, parce que être là à discuter de choses abstraites pendant que vous avez, à, je sais pas moi, 50 mètres plus loin, parce que là, vous voyez où on est, l'Assemblée nationale, on est de l'autre côté de la Seine, en face de la place de la Concorde, et puis évidemment, la place de la Concorde, c'est par là que commencent les Champs-Élysées. Il y avait du monde partout, partout, partout, en train de se réjouir et de crier et tout ça, enfin bon. Et nous, on était là, en train d'essayer de débattre. Alors, je ne vous dis pas, après le résultat du match, c'était carrément terrifiant, parce que toute une série de collègues sont arrivés sans avoir d'amende, eux, avec de la peinture bleu-blanc-rouge sur la figure, et puis quelques-uns avaient quand même assez solidement arrosé la victoire. Hein. Donc, il y avait un côté un peu lunaire à cette réunion-là, et je voulais quand même vous le raconter, parce que ça fait aussi partie de la vie parlementaire. Tout d'un coup, on est coupé de tout et de tout le monde, et on est dans nos textes, nos amendements. Alors là, c'est la réforme de la Constitution. Et avant l'article 1er, hein, il y a 562 amendements. Donc en ce moment, pendant que je vous parle, bon, j'ai quitté mon banc, je suis venu ici pour enregistrer, et puis ça roule, quoi. Ça va prendre des jours et des jours. On est à peu près certain que ça ne tient pas dans l'horaire prévu. Et donc, il est à craindre que, je ne sais pas quoi, que ça se finisse mal, quoi, qu'ils décident de rallonger la session pendant le mois d'août. Alors j'aime vous dire que s'ils font ça, ils vont avoir un problème ici, parce que bon, qu'ils nous maltraitent, nous les députés, bon, ils nous maltraitent, quoi. Et puis il y a tout de suite toutes sortes de gens bienveillants pour dire, ouais, ils sont bien payés, au comptoir, là, ils sont bien payés, ils ont qu'à rester, bon, d'accord, nuit et jour, sans arrêt, ça, bon. On voit bien qu'il y a une forme d'anti-parlementarisme quand on pousse des parlementaires à bout, hein. Mais je vous rappelle quand même l'existence des gens qui travaillent à l'Assemblée nationale, et c'est pas dans leur contrat de travail de faire comme ça des allongements sans fin de leur service, parce que leur service nécessite qu'ils soient tout le temps là. Or, leur service et leur nombre n'est pas organisé pour être tout le temps là. Il est organisé pour que tous les fonctionnaires de l'Assemblée soient à coup sûr, je pense par exemple à ceux qui s'occupent de la séance, 3 jours par semaine, parce qu'on est censé, nous autres les parlementaires, être dans notre circo le lundi, le vendredi et le samedi. Le dimanche, c'est considéré comme un jour où, en principe, on devrait se reposer. Naturellement, dans la réalité, tout le monde est pris tous les samedis et tous les dimanches. Et là, on est retenu toute la semaine et parfois même le week-end lui-même. Alors, si jamais ils en rajoutent, des jours, vous allez entendre parler pour la première fois de l'histoire de l'Assemblée nationale, d'une grève des personnels parce que les gens n'en peuvent plus. Et je vous demande de vous y mettre. Hein, quelle est la situation dans laquelle on peut accepter que vous ne puissiez pas avoir de location parce que vous n'avez pas de date, vous ne savez pas quand vous partirez réellement, vous avez votre famille, vos gosses, tout ça, votre conjoint ou conjointe, et vous n'êtes pas capable de dire tel jour je serai libre, j'arrive, ou on part en vacances ensemble. Voilà. Et ayez une pensée au moins pour eux, si je ne dis pas vous qui m'écoutez, qu'êtes bienveillants, mais à ceux qui disent qu'après tout on est assez bien payé pour siéger pendant tout l'été, pensez aussi à ceux qui sont ici et qui travaillent, et là je parle du personnel de l'Assemblée, mais je pourrais parler de nos collaborateurs, parce que quand nous on est en séance, il ne faudrait surtout pas que vous croyiez qu'on est en séance et qu'on improvise, hein, à part quelques-uns, mais il y a des dossiers, il y a une préparation, il y a une organisation en amont, il y a eu des débats dans les commissions préparés par nos collaborateurs, hein, et nos collaborateurs, ils font partie de ceux qui ne peuvent pas partir, puisque nous ne savons pas à quelle date on peut ressortir d'ici. Je vous le dis, moi, les gens, ils font ça exprès, pour subjuguer le Parlement, l'étouffer, l'asphyxier, qu'on finisse par céder. Céder, c'est-à-dire accepter que les textes passent, puis qu'on les discute pas ou peu. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, j'ai la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire, et Pierre pour Casanova, et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 3 faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant: les bourgeois c'est comme les cochons, plus ça devient vieux plus ça devient bête. Les bourgeois c'est comme les cochons, plus ça devient vieux plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, j'ai la grosse Adrienne de Montalent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire. Et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi souffre, moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre au bar de l'hôtel des trois faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre, de Casanova et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peigne-cul nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient bête. On m'a même surnommé pour cela dans un journal le Serial Cooper et je suis prêt à assumer pleinement ce rôle s'il le faut. La parole est à Madame Clémentine Autain. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Depuis le début de la semaine, votre gouvernement s'est lancé dans une fuite en avant autoritaire particulièrement dangereuse pour notre démocratie. Votre gouvernement dit agir au nom de l'ordre, mais ne voyez-vous pas que ce que vous générez, c'est un triste désordre dans notre pays. La ferme des 100 est saccagée. Plus d'une trentaine d'occupants sont d'ores et déjà blessés, des gendarmes aussi. Et certains font part de leur lassitude, de leur incompréhension face à une intervention qui vise à montrer les muscles au moment où la contestation sociale s'aiguise. La même stratégie brutale est appliquée pour étouffer le mouvement étudiant qui se mobilise contre une sélection indigne et pour des conditions d'études décentes. Et pour leur répondre, c'est la matraque que vous levez. À Lille ou à Nanterre, les interventions de CRS dans les universités. Peut-on... Mes chers collègues, un peu de voyez calme. Voyez le désordre, monsieur le Président. Et cet amour de la démocratie. Et finalement, votre prétendu nouveau monde n'est qu'un régime bien ancien. On y laisse tranquille les Merci. Évadés fiscaux pendant qu'on est en train Merci, Madame la de députée. Pénaliser ceux la qui réclament... La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, le temps de parole, mesdames et messieurs les députés. Le temps de parole, madame la députée, est le même pour tout le monde. Il est de 2 minutes. Ainsi que pour monsieur le ministre d'ailleurs, qui, j'en suis sûr, le respectera. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Poursuivez, je crois, ministre, mesdames et messieurs les députés, que le sens de la démocratie s'exprime encore aujourd'hui dans notre Assemblée. Nous nous souhaitons débattre avec chacune et chacun. Nous voulons, dans ce pays, éviter toutes les violences. C'est ce que nous faisons à Notre-Dame-des-Landes, où dans une situation difficile, 30 de nos gendarmes ont été gravement blessés par celles et ceux qu'on incite à la violence. Moi, je ne connais qu'une règle, le suffrage démocratique. On peut être pour ou contre un projet. Mais, mesdames et messieurs les députés, à Notre-Dame-des-Landes, nous sommes en ce moment même en train de discuter avec les agriculteurs pour trouver une solution. Mais nous voulons trouver cette solution dans la loi et l'ordre, parce que s'il n'y a pas la loi et l'ordre, alors il n'y a pas de pays qui tienne. Et je crois que l'opinion publique est aujourd'hui massivement derrière nous pour une volonté de dialogue. Mes chers collègues, je vous demande un peu de calme. Depuis 9 mois qu'a commencé cette législature et que je suis président de l'Assemblée nationale, je fais respecter les temps de parole de 2 minutes pour les questions et pour les réponses, qu'il s'agisse des députés, quel que soit leur groupe, ou les ministres. On m'a même surnommé pour cela dans un journal le Serial Cooper, et je suis prêt à assumer pleinement ce rôle s'il le faut, et je continuerai, car dans notre Assemblée, je le dis et je le redis, ce sera le respect des règles pour que nos débats se passent le mieux possible. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin de première classe, va boire à Passy, le nectar d'ici te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier m'a de lasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace, tous les marmiteux, les calamiteux de la place, qui viennent t'en rang comme des harangues, voir en face la belle du bistrot, la femme à ce gros dégueulasse, que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines. Valasse, si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce de cette jolie fée qui d'un bouge a fait un palace, avec ses appâts du haut jusqu'en bas bien en place, ses trésors exquis qui les embrasse, qui les enlace, vraiment c'en est trop, tout ça pousse gros des gueulasse. C'est injuste et fou, mais que voulez-vous qu'on n'y fasse? L'amour se fait vieux, il a plus les yeux bien en face. Si tu fais ta cour, tâche que tes discours ne l'agacent. Sois poli mon gars, pas de geste ou gare à la casse. Car sa main qui claque, punie d'un flic flac, les audace, certes il n'est pas né qui mettra le nez dans sa tasse, pas né le chanceux qui dégèlera ce bloc de glace, qui fera dans le dos les cornasses gros dégueulasse. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée, un vieux bouge à fée, hein. Palace.